folie qui s'empare de tous les nulle part. Grégaire. Et les anges qui s'enivrent, victimes de l'effet, le cerf. Les minutes bouillonnent, le temps se ralentit, les heures sont comme figées au milieu de l'été. N'y a-t-il rien de plus beau que la nuit qui se glisse par tous les interstices sous une lune? Déjà tes yeux se plissent, tant les cieux s'obscurcissent. Je sais que tu t'endors dans notre lit douillet et que tu penses à tort que je t'ai oublié. Tout me paraît plus clair dans cette nuit opaque, dans le monde du paraître, maîtresse et l'illusion. Une couverture d'étoiles réchauffe les passions. Dans l'ivresse et le doute, c'est celle d'éphémères unions. N'y a-t-il rien de plus beau que la nuit qui se glisse par tous les interstices sous une lune rouge? Des cris dans la nuit noire attirent mon attention. Sous l'astre en suspension, je sors de mon cauchemar. Des rires et des pleurs et des yeux fatigués me ramènent dans l'instant auprès de mon aimé. Sous une lune.